En fait, quand on est en primaire et qu'on se fait harceler, forcément, on ne voit pas tout de suite et on ne sait pas trop ce que c'est, vu qu'on l'a jamais vécu, on n'a jamais vu quelqu'un, donc pour nous, on se dit c'est normal. Sauf qu'après, quand on se retrouve au collège, on réfléchit plus à ce que c'est et pourquoi ils font ça, on se rend compte qu'en fait, depuis le début, ça est la même chose et que ça n'étrange pas. Quand on est harcelé et que, par exemple, soit y a eu une confrontation entre les harceleurs et par exemple la CPE et tout ça, on se dit ça y est, c'est fini, on est sauvés, et plus jamais ils vont nous énerver. Sauf que pas du tout, vu que j'ai eu la malchance d'avoir ça à 3 reprises, j'en avais vraiment eu marre et j'ai essayé de le résoudre tout seul, ce qui a un peu évolué la situation, mais ce qui a un peu aussi la rabaissée, parce qu'il ne faut pas en venir aux mains, mais plutôt en venir aux mots. Sauf que du coup, comme ça, j'avais l'habitude que eux en viennent aux mains et moi que j'en vienne à rien du tout, en fait, je me suis dit, si eux ils font ça et que moi je le fais, peut-être qu'ils vont arrêter. Et donc j'ai fait. Et donc au moment où je me suis défendue, ils ont un peu remarqué quand même que, voilà. La première fois où j'ai été harcelée, moi, je faisais rien et c'est ma sœur un jour qui est rentrée et qui m'a vue. Et la deuxième fois, c'était en classe et j'en avais eu marre, j'en étais moi-même venue aux mains et. En fait, ça pousse au dernier retranchement. On finit par faire tout ce qu'on faisait pas avant. Et qu'est-ce que. C'est pas cool. Moi, j'ai dit. Ce qui est violent dans le harcèlement, c'est la solitude. Être exclu d'un collège, c'est vrai. Mais après, j'ai pas d'autres idées. Être exclu d'un groupe. Par exemple, on rejette une personne parce qu'elle est différente physiquement ou moralement. En primaire, quand j'étais à Nières, je me faisais beaucoup harceler parce que j'étais différente. Du coup, j'étais pas dans les normes et j'étais beaucoup exclue. Parce que j'habitais dans un quartier pas très honnête, en fait. Pas dans les mêmes quartiers qu'eux, surtout. Donc j'ai été mal vue pendant des années jusqu'à que je déménage ici. Au début de ce collège, quand je suis rentrée, je me sentais très rejetée. Je connaissais personne. Les gens me trouvaient différent. En sentant être rejeté, j'avais l'impression d'être oublié, de ne pas exister. Rejeté, c'est un mot violent qui devrait disparaître, car ça n'apporte que peu aux gens qui le font, et surtout à celui qui l'a reçu. En 6e, j'étais seul, et que j'étais pas dans la classe de mes anciens amis. Et j'ai essayé de m'adapter pour aller dans un groupe. Et en fait, sans le savoir, ils me manipulaient et ils m'harcelaient en quelque sorte. Vas-y. Moi, je préfère la solitude que, comme expression connue, être mal accompagné. Je trouve que être seul, ça permet beaucoup de choses, comme réfléchir et tout. C'est beaucoup plus apaisant parce qu'on n'a pas de problème avec soi-même. C'est déprimant, la solitude, c'est quelque chose de vide, mais insupportable à vivre. Couleur racisme, couleur de peau, différence. Origine. Noir, jaune, blanc. Rouge. Les racistes, ils disent ça. Oui. Clair, t'es pas gris vraiment... aussi, on dit gris. Moi, je me souviens, en maternelle, mon père, il était venu, il avait une grosse carrure comme ça, il avait une barbe et tout, et il y avait des enfants, ils commençaient à chuchoter comme ça. Ils disaient, est-ce qu'il est arabe et tout, et après, ils commençaient à faire des blagues. C'était un peu raciste ce qu'ils disaient, ils se rendaient pas compte. Mon père, il était un peu choqué, mais après, il s'est dit, c'est des enfants. Mais après, je me suis dit, ces propos, ils viennent pas de nulle part. Du coup, ils ont peut-être entendu ces propos racistes. Notre ville, c'est un peu une ville... Calme. Elle est calme. Comparée... Une ville avec des cités, quoi. Voilà. C'est pas pareil que Cormeilles. C'est pas très calme. Cormeilles, c'est une ville calme. La plupart des personnes qui sont dans cette ville, en fait, c'est souvent les personnes aisées. Ils achètent toujours des maisons, surtout là-bas, dans le nord. Dans le nord de Corbeil. Et du coup, pourquoi les gens d'Argenteuil, ils seraient rejetés en arrivant ici? Ils sont pas rejetés, c'est juste ils se sont fait une image. En fait, ils se donnent même un comportement dans leur tête que... ils se disent souvent à Argenteuil, ça y est, ils habitent, ils sont nés là-bas. C'est souvent des gens dangereux, quoi. On les connaît pas, c'est des gens normaux. Mais après, quand on est exclu et qu'on a été blessé, on peut devenir quelqu'un de méchant. Je pense qu'on a tous été exclus dans notre vie, au moins une fois, ou même une minute, en parlant de quelque chose, se sentir un peu à l'écart. C'est bien, je suis fière de vous, c'est bien. Je trouve que ça raconte notre histoire un peu. Mon père, vachement, il parle arabe. Tu peux me dire un mot? Assalamu alaikum. Alaikum salam. Et qui peut parler Lingala? Lingala. Toi, tu arrives à parler Lingala? Après, c'est pas dans toutes les familles qu'on transmet la langue. On ne connaît qu'une phrase. Ah, la plupart, les parents, ils parlent. La plupart, ils pas tous. Mon père, il parle caps. Kalabok, qui veut dire femme ta. Voilà. Il y a Nobai, ça veut dire on y va. Nobai Kumi, ça veut dire on va manger. Moi, je veux dire Nako Betayo. Ça veut dire je vais te frapper. C'est ça? Nako Betayo. Nako Betayo. Il y a quoi d'autre? Est-ce que vous auriez bien aimé parler entièrement, couramment? Oui, tellement. Je pourrais tellement insulter tout le monde. Et ça, par exemple, c'est pas quelque chose que vous pouvez demander, disant s'il te plaît. Bah, c'est dur un peu, hein. Bah, oui, en fait, c'est dur de. Trois mots déjà, pour moi, c'est compliqué. Alors. Mais en vrai, s'ils parlent tout le temps arabe, en vrai, je pense qu'il fallait faire dès la naissance. Enfin, dès la naissance. Oui, dès 2 ans, quoi. Ouais, voilà. Maman, on faisait, mais j'ai pas retenu quand même. C'est pour ça. Bah, on a tous des origines différentes. Ouais. C'est important pour vous de, je sais pas, les partager. Parce que ça permet de s'enrichir et d'avoir de nouvelles cultures aussi. Et c'est une fierté un petit peu. Moi, je le cache pas. C'est quoi tes origines? Je suis algérienne. Bah, j'ai été obligée de l'apprendre parce que des personnes de ma famille ne parlent pas français. C'est l'arabe. Enfin, toujours quand j'étais petite, mes parents ils m'emmenaient au cours d'arabe tous les samedis. Et en fait, j'aimais pas, mais avec le temps, je regrette de pas avoir mieux travaillé parce que je parlerais mieux que maintenant. J'ai appris de moi-même parce que ma grand-mère, elle parle que arabe. Et du coup, avec la barrière de la langue, c'était compliqué. À chaque fois, elle m'embrouillait parce que je parlais que français. Mais c'est pas aussi bien que si j'avais appris en cours ou que c'est mon père qui m'avait appris. Ils étaient un peu grands tous et moi, j'étais le seul enfant. Tout d'un coup, là, quand j'ai pris la parole, ils ont commencé à faire des têtes bizarres, comme si j'avais dit quelque chose de bizarre, alors que j'avais rien dit. Même ma mère, elle a pas trop aimé ça. On avait l'air d'être rejetés un peu. Après, quand on est avec des adultes, on peut se faire rejeter, parce qu'apparemment, on n'a pas assez de maturité. C'est pas aux adultes de dire si on a assez de maturité ou pas. C'est vraiment, quand on a vécu des choses, on peut les dire, et non, c'est pas parce qu'on a tel âge qu'on n'est pas assez mature. S'adapter, c'est une chose qu'on fait un peu tous les jours, en soi, sans même le savoir. On essaye de s'adapter aux personnes pour éviter de leur faire du mal ou alors pour mieux les comprendre. Généralement, on s'adapte soit avec les personnes qu'on comprend pas, soit avec les personnes qui ont un problème, ou avec les enfants, pour essayer d'être gentil avec eux et éviter qu'après ils soient tristes. Mais à la fois, je me demande si en soi, on leur fait pas un peu de mal, car on essaye de se mettre à leur niveau et il y a des fois où on prend carrément un peu... un air débile pour par exemple, ça. Avec les profs, il y a la justice. Mais par exemple, nous, on ne se laisse pas faire. Oui, par exemple, des heures d'école, tout ça, alors qu'on n'a rien fait, on a juste parlé. Ouais. Mais il y a certains profs qui... Crazy. Par exemple, en dehors du collège, ils parlent comme nous. Mais après, dans la classe, ils font genre qu'ils ne nous comprennent pas. Au début de l'année, quand je me suis dit, ce serait pas mal quand même qu'il y ait une nouvelle personne. Et c'est là, à ce moment-là, du coup, que j'ai vu Lucas et que je lui ai proposé de venir et... J'ai été seul à la cantine et je me suis dit de pauvre. On a quasiment tous vécu ce que Lucas a fait, du coup on se sentait mal pour lui. On a eu de la compassion. Ça peut être l'amitié, c'est fort. C'est carré. Après, t'aimes bien. Ça rejoint aussi l'hypocrisie aussi. Bah non. Si, parce qu'il y a des gens, ils font semblant. Je vous confiance, je le personnalise. Je le vois en grand personnage comme ça, jaune, et qui a des muscles. Je sens que dans le dictionnaire, il serait écrit en gros, et qui serait super important, qui donnerait un côté chaleureux comme ça, et qui serait très imposant. Et voilà, qui serait toujours souriant et tout. Moi, je ferais confiance. Je confie à personne maintenant. Si tu fais confiance à Inès. Non, parle-toi, je veux dire. Vraiment. Non, je te laisse parler. J'ai dit au jour d'aujourd'hui, on peut faire confiance à personne. Ils peuvent retourner leur veste chaque moment, on peut faire confiance à personne qu'à nous. Les gens, maintenant, au jour d'aujourd'hui, ils tournent leur on veste. On raconte des choses sur le fait des choses qu'on a confiées à cette personne. Ah ouais, c'est très mal que je parle. Il y a beaucoup de personnes malhonnêtes qui peuvent manipuler facilement. C'est un peu le domaine de beaucoup de gens. Enfin, pas dans cette année, mais dans ces années-là. Moi, je trouve que les gens qui manipulent, ils ont plein de façons différentes de manipuler. Par exemple, une passion de quelqu'un. Dans ma classe, il y avait, à part des personnes que je connaissais juste, mais que je ne parlais jamais, en fait, il n'y avait personne, aucun ami. Quand j'étais dans la récré, j'étais tout seul. Quand j'étais en cours, je parlais avec personne. Je l'ai très mal vécu parce qu'au début, j'étais un peu comme si c'était... c'est normal, mais un jour, je sais très mal qu'il y aura quelqu'un qui viendra. Je paraissais trop gentille avec les gens et du coup, ils en ont profité pour pour manipuler. Par tout le monde. Être soumis par rapport à quelqu'un. Que quelqu'un ait le pouvoir sur quelqu'un. C'est quoi la se débarrasser de cette personne. De couper court. Enfin, de couper toute relation avec cette personne. Voilà. Et de dire les choses. On va passer sur Spotify.